Quand je t'ai invoqué, tu m'as tendu la main. Et depuis, tous mes pas empruntent tes chemins. J'allais seul dans ce monde, pêcheur et sans appui, traversant un désert sans lumière ni abri. Quand je t'ai rencontré, tu as changé ma vie. Et depuis, dans mon cœur, à jamais tu demeures. Mon Père, mon Créateur, ô Jésus, mon Sauveur, tu m'as ouvert ton cœur et offert le bonheur. J'ai vécu bien des choses inavouables parfois, parce qu'en ce temps-là, j'ignorais tout de toi. Quand les yeux de mon cœur se sont posés sur toi, j'ai compris mon erreur et le sens de ta croix. Quand je t'ai rencontré, tu as changé ma vie. Et depuis, dans mon cœur, à jamais tu demeures. Mon Dieu, mon Créateur, ô Jésus, mon Sauveur, tu m'as ouvert ton cœur et offert le bonheur. Ô Seigneur, mon Jésus, toi tu m'as pardonné, ton amour m'envahit, ta lumière m'éblouit. Oh, j'ai besoin de toi, chaque instant de ma vie, je chanterai sans fin et jusqu'à l'infini. Mon Père, mon Créateur, ô Jésus, mon Sauveur, tu m'as ouvert ton cœur et offert le bonheur. Mon Père, mon Créateur, ô Jésus, mon Sauveur, tu m'as ouvert ton cœur et offert.